je ne sais pas où commencer ces temps. Et je pense à nous, à tout ce qui nous attend. C'est ainsi, tu es rentré dans mon cœur pour ne plus en ressortir. Si tu savais tout ce que j'ai pu ressentir, c'est trop fort, j'espère que tu l'as senti. Mon cœur, nous avons pris le même sentier. J'espère que le futur sera de la partie, que notre amour sera entier. Mes bras ne veulent pas voir partir, alors il faut en profiter s'il te plaît. Tu es celle qui guérit mes plaies. À ce jour la seule fille dont je me rappellerai. Je n'ai pas les mots mais j'espère avoir le temps. Quand même tu sais ce qu'on ressent, c'est difficile à exprimer bébé. Je ne sais pas ce que ça vaut mais au moins j'essaie. Il faut qu'on comprenne notre amour n'est pas à l'abri. Car tu sais le temps balaye. Mais laisse-moi te dire que même pendant l'orage, tu es mon rayon de soleil. Ouais, tu es mon rayon de soleil. J'ai l'impression que tu prends plus de place dans mon cœur à chacune de ces pulsations. Chaque seconde tu me manques, étrange sensation. Je sais que je suis censé t'aimer, te donner de l'affection, te porter la meilleure des attentions. Mais attention, méfions-nous du futur car nous ne savons pas ses intentions. Aimons-nous et évitons les tensions. Bébé, non ça va pas, je suis éteint. Mes instincts de tes je t'aime, tu viens lui seul pour me remettre sous tension. Ton sourire me soutient, mes yeux se perdent dans les tiens. Dans tes bras je sens que l'amour me retient. Mais en fait de toi qu'un mot assez fort ne me vient. Tu verrais ce soir ma plume, y'a rien qui la retient. Un je t'aime n'est pas de trop mais ne sera jamais assez fort. Sache que pour cet amour je suis prêt à faire n'importe quel effort. Ouais, je t'aime fort et je suis prêt à faire n'importe quel effort. Ouais, tu es mon rayon de soleil. Même si avec toi je ne vois que le présent. Le futur tape à ma porte et se monte oppressant. Mais dis-lui que rien ne sert de se presser et que jamais notre amour sera synonyme de pression. J'ai l'impression que notre relation est vue toute forme de dépression. Ma vie a changé car Cupidon nous a confié cette mission. Mais de façon je suis convaincu que mes sentiments ne proposeront pas leur démission. Mon cœur je t'aime et je t'aimerai sans condition. N'écoute pas ce qu'on dit, notre amour peut durer. Mettons-le à l'abri et il pourra tout endurer. En attendant évitons le malentendu. Vers toi mes mains restent tendues, tu es mon rayon de soleil inattendu, rayon de soleil qui perce les nuages. En lisant dans tes yeux, je pourrais écrire des pages. Rayon de soleil qui perce les nuages. En imaginant tes yeux, ce soir j'ai écrit 3 pages. Ouais, tu es mon rayon de soleil.